إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Bienvenue à tous, qu'Allah subhanahu wa ta'ala vous préserve et vous accorde la réussite. Comme cela a été annoncé, au programme de ce soir, il y a une conférence intitulée « Certaines œuvres aidant à raffermir sa foi ». Et il n'y a pas de doute que c'est un immense bienfait que tu puisses écouter et assister aux assises de science. Et ne pense pas que cela est le fruit du hasard, car c'est certes Allah subhanahu wa ta'ala qui t'a accordé la réussite et qui t'a guidé vers ces assises. Car si tu cherches dans tes amis ou tes connaissances, tu trouveras sûrement que beaucoup d'entre eux donne de l'intérêt à la science et à la droiture. Et il se peut que certains d'entre eux étaient plus motivés et plus intelligents que toi. Cependant, ton Seigneur, Ar-Rahman, t'a accordé la réussite et t'a conduit vers ses assises. Par conséquent, prends garde. Et ne crois pas que c'est ton intelligence ou tes connaissances qui t'ont mené à ce cours, car ceci est le début de l'égarement. Allah subhanahu wa ta'ala dit: Wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah envers vous, aucun ne serait jamais purifié. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala s'adresse aux compagnons du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, ceux qui connaissaient la langue arabe, qui étaient dotés d'une grande piété, ceux qui apprenaient dans la meilleure des mosquées, auprès du meilleur enseignant, ceux qui ont vécu à la meilleure époque. Malgré tout cela, Allah subhanahu wa ta'ala leur dit: Wa laula fadlullahi alaykum wa rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abada. Sans la grâce et la miséricorde d'Allah envers vous, aucun ne serait jamais purifié. Également, malgré que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit le meilleur des prophètes, celui à qui Allah subhanahu wa ta'ala va permettre d'intercéder le jour du jugement, celui qui est doté d'un comportement éminent et irréprochable. Allah subhanahu wa ta'ala dit à son sujet: ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. Sans la grâce d'Allah et sa miséricorde envers toi, une partie d'entre eux aurait voulu t'égarer. Mais ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne peuvent en rien te nuire. Allah a fait descendre sur toi le livre et la sagesse et t'a enseigné ce que tu ne savais pas. La grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala est immense sur toi. Et il dit également Azza wa Jal dans Surat al-Isra: ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. Si nous ne t'avions pas raffermi, tu aurais failli pencher quelque peu vers eux. Ainsi, la connaissance des bienfaits commence par la reconnaissance que ta science, ta droiture, ce que tu connais du Coran et autres est une grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et une miséricorde. Et c'est ce que les gens qui ont réussi dans cette vie d'ici-bas diront et reconnaîtront dans l'au-delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-A'raf au sujet des gens du paradis: وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. Ils diront: louange à Allah qui nous a guidés vers ceci. Nous n'aurions pas été guidés si Allah ne nous avait pas guidés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat al-Tur: وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ قَالُوا إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السَّمُومِ إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ. Se tournant les uns vers les autres, ils s'interrogent. Ils diront: autrefois, nous vivions au milieu des nôtres dans la crainte. Aussi Allah nous a comblés de sa grâce et protégés du châtiment du vent brûlant. Autrefois, c'est lui seul que nous invoquions, car il est le bon, le miséricordieux. Ainsi, la première œuvre aidant à raffermir sa foi et de reconnaître les bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala et sa grâce dont il nous a comblés. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit: وَمَا بِكُم مِّن نِعْمَةٍ فَمِنَ اللَّهِ. Tout bienfait dont vous jouissez provient d'Allah. Dans ce verset, le mot bienfait est indéfini. Et il est précédé par une négation. Et les savants nous disent que lorsque le mot indéfini est précédé par une négation, cela indique la généralité. Par conséquent, que ce soit un bienfait mondain, un bienfait dans l'au-delà ou autre, tout ceci provient d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cependant, il ne suffit pas de reconnaître la grâce d'Allah et ses bienfaits uniquement avec sa langue, car ceci est facile. Et il se peut que le serviteur reconnaisse les bienfaits de son Seigneur avec la langue, sans pour autant les reconnaître avec son cœur, alors qu'Allah subhanahu wa ta'ala sait parfaitement ce qu'il y a dans les cœurs. Il dit Azza wa Jal dans Surat al-Fath: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم. Allah a agréé les croyants lorsqu'ils t'ont prêté serment sous l'arbre, et il sut ce qui était en leur cœur. Ainsi que chacun d'entre nous se pose la question suivante. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Nous avons mentionné au début de la conférence que certains de nos frères et sœurs n'ont pas pu assister à cette conférence. Est-ce que lorsque tu penses à eux, tu as le sentiment que tu es meilleur? Ou bien fais-tu preuve de compassion et de miséricorde envers eux? Et tu espères pour eux le bien, comme c'était le comportement des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque les compagnons voyaient un bien, ils espéraient que leur frère soit touché par ce bien. La preuve de cela réside dans l'histoire d'Abu Moussa al-Ash'ari, qu'Allah l'agrée. Lorsqu'il décida d'être le portier du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, Abu Bakr Siddiq, qu'Allah l'agrée, demanda la permission d'entrer. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ordonna à Abu Moussa radiallahu anhu de faire rentrer Abu Bakr Siddiq et de lui annoncer le paradis. Puis Abu Moussa se dit alors, et je vous demande, Ikhwani Fillah, de méditer sur la parole de ce compagnon. Abu Moussa radiallahu anhu se dit alors, si Allah veut du bien à un tel, c'est-à-dire son frère, il le mènera ici. Subhanallah. Lorsque Abu Moussa, radiallahu anhu, vit dans quel bien était Abu Bakr, radiallahu anhu, du fait que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lui a annoncé le paradis par son biais, il a directement voulu que l'un de ses frères soit touché par ce bien. Et c'est ce genre de comportement qu'il convient d'adopter. Également, parmi les œuvres aidant à raffermir sa foi, il y a l'ikhlas, la sincérité. Car notre ennemi à tous, Iblis, a dit à Allah subhanahu wa ta'ala, « Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fil ard. » Seigneur, puisque tu m'as égaré, je leur embellirai la vie sur terre. Iblis embellit aux serviteurs l'innovation de telle sorte qu'ils la considèrent comme obéissance. Il embellit le shirk jusqu'à ce qu'il soit considéré pour certains comme un moyen de se rapprocher d'Allah, Azza wa Jal. Il fait voir aux serviteurs l'égarement comme une guidée et le péché comme une obéissance. Et il nomme les choses d'une manière différente de leur réalité. Comme Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans surat Taha, « Fawaswasa ilayhi shaytan, qala ya adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi wa mulkin la yabla. » Ô Adam, veux-tu que je te montre l'arbre de l'immortalité qui t'offrira un royaume impérissable? Il fait cela dans le but d'éprouver les créatures. Ainsi, Iblis a pris l'engagement de tous nous égarer, à l'exception d'une catégorie de personnes. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, قَالَ رَبِّ بِمَا أَغْوَيْتَنِي لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ. Seigneur, puisque tu m'as égaré, je leur embellirai la vie sur terre, à l'exception de tes serviteurs, parmi auxquels tu auras accordé le salut. Et dans certaines lectures, on retrouve illa ibadaka minhumul mukhlisin, à l'exception de tes serviteurs dévoués. Ainsi Iblis reconnaît qu'il ne pourra pas égarer les serviteurs dévoués, ceux qui font preuve de sincérité. Et parmi ceux qui font preuve de sincérité, on retrouve les prophètes. Et le diable a même témoigné de la sincérité de certains prophètes. L'éminent savant, Ashir Muhammad Amin Ashanqidi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé Adwa al-Bayan que ceux qui ont attesté de l'innocence du prophète Yusuf alayhi salam sont au nombre de quatre. Premièrement, Rabbul Alamin, le Seigneur de l'univers, car Allah a dit كَذَلِكَ لِنَصْرِفَ عَنْهُ السُّوءَ وَالْفَحْشَاءَ, ainsi avons-nous écarté de lui le mal et la turpitude. Deuxièmement, la femme d'Al-Aziz. Allah subhanahu wa ta'ala a dit en parlant d'elle, قَالَتْ إِمْرَأَةُ الْعَزِيزِ الْآنَ حَصْحَصَ الْحَقُّ أَنَا رَوَدْتُهُ عَنْ نَفْسِهِ وَإِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ. Et la femme d'Al-Aziz dit, la vérité s'est maintenant manifestée. C'est moi qui a voulu le séduire et c'est lui qui dit la vérité. Troisièmement, les femmes de la ville. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, قال ما خطبكن إذ راوتن يوسف عن نفسه قلن حاش لله ما علمنا عليه من سوء. Le roi demanda, qu'advint-il lorsque vous avez essayé de séduire Youssouf? Elles répondirent, à Allah ne plaise, nous ne connaissons de lui aucun mal. Et pour finir, quatrièmement, le diable. Car Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet, en parlant du diable, قال ربي بما أغويتني لأزينن لهم في الأرض ولأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. Seigneur, puisque tu m'as égaré, je leur embellirai la vie sur terre à l'exception de tes serviteurs dévoués. Et comme nous l'avons mentionné tout à l'heure, Allah subhanahu wa ta'ala a dit à propos de Youssouf alayhi salam, innahu min ibadina al-mukhlisin. Il comptait parmi nos serviteurs dévoués. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a attesté de la sincérité du prophète Youssouf alayhi salam. Et le diable a affirmé qu'il ne peut rien contre les serviteurs dévoués. C'est comme s'il disait qu'il ne peut pas égarer le prophète Youssouf alayhi salam, car il fait partie des dévoués. Méditons sur le verset que nous venons de réciter, car il y a un enseignement très important qui est en lien direct avec le titre de cette conférence. Dans ce verset que nous venons de lire, Allah nous informe qu'il a écarté le prophète Youssouf alayhi salam du mal et de la turpitude, car il comptait parmi ses serviteurs dévoués, ceux qui sont sincères. Par conséquent, celui qui veut être raffermi dans sa foi et celui qui veut être préservé des troubles doit faire preuve de sincérité. Et ceci demande beaucoup d'efforts, surtout lorsqu'on sait que les pieux prédécesseurs faisaient énormément d'efforts pour être sincères. Et qu'avoir une bonne intention était l'un de leurs plus grands combats. L'imam Sofiane Thaouri, qu'Allah lui fasse miséricorde, disait « Je n'ai pas affronté de choses qui me soient plus difficiles que mon intention ». car elle se retourne contre moi. C'est pour cela que le serviteur a besoin de son Seigneur pour qu'il l'aide à être sincère. Et quelqu'un pourrait se demander, y a-t-il des causes permettant d'être sincère? La réponse à cette question est que les causes sont nombreuses. Cependant, nous allons mentionner l'une d'elles qui est en lien direct avec ce que nous venons de dire il y a quelques minutes. Et cette cause est de connaître les caractéristiques de ceux qui sont sincères. Et pour ce faire, il t'est possible d'étudier la biographie du prophète Youssouf alayhi salam. Car Allah subhanahu wa ta'ala a attesté de sa sincérité. Et ici, nous allons mentionner quatre caractéristiques du prophète Youssouf alayhi salam qui sont tirées du Coran. La première caractéristique est le fait de se réfugier auprès d'Allah et de demander son aide. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: قال ربي السجن أحب إلي مما يدعونني إليه وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. Il dit: Seigneur, la prison m'est préférable au péché auquel elle m'invite. Et si tu n'écartes pas de moi leur manigance, je pencherai vers elles et agirai à la manière des ignorants. La deuxième caractéristique est d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala d'être ferme. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Rabbi qad ataytani min al-mulk wa 'allamtani min ta'wil al-ahadith fatir as-samawati wal-ard anta waliyyi fi ad-dunya wal-akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bis-salihin. Seigneur, tu m'as accordé une part de royauté et enseigner une partie de l'interprétation des rêves. Créateur des cieux et de la terre, tu es mon maître, ici-bas et dans l'au-delà. Fais-moi mourir en parfaite soumission et fais-moi rejoindre les pieux. La troisième caractéristique est de reconnaître la grâce d'Allah subhanahu wa ta'ala et ses bienfaits. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: ذَلِكُمَا مِمَّا عَلَّمَنِي رَبِّي إِنِّي تَرَكْتُ مِلَّةَ قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمْ كَافِرُونَ. Ceci relève de ce que mon Seigneur m'a enseigné. Car je me suis éloigné de la religion d'un peuple qui ne croit pas en Allah et renie l'au-delà. La quatrième et dernière caractéristique et la miséricorde et le pardon. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Youssouf alayhi salam, après que ses frères se soient excusés, قَالَ لَا تَفْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمِ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. Aucun reproche ne vous sera fait en ce jour. Qu'Allah vous pardonne, car il est le plus miséricordieux. Et lorsque vint le moment des retrouvailles avec sa famille et qu'il expliqua ce qui s'est passé, il imputa l'action de la division entre lui et ses frères au diable. Allah subhanahu wa ta'ala dit à ce sujet: Min ba'di an nazara shaytanu bayni wa bayna ikhwati. Après que le diable ait suscité de la discorde entre mes frères et moi. Et seul celui qui fait preuve de sincérité peut avoir ce genre de comportement. Également, le croyant doit prendre garde à tout ce qui peut entacher sa sincérité. Il doit prendre garde aux maladies du cœur, telles que l'orgueil et la fatuité. Surtout lorsqu'on sait que c'est souvent l'élite des gens qui sont touchés par ce genre de maladie. L'éminent savant Ibn Qudama al-Maqdisi, qu'Allah lui fasse miséricorde, a dit dans son livre intitulé « Mukhtasar Minhaj al-Qasidin » « Le méfait de l'orgueil est immense, les élites y périssent et peu de dévots, ascètes et savants y échappent. » Fin de citation. Et lorsque le diable désespère d'égarer le serviteur avec les désirs ou les ambiguïtés, il tente de l'égarer avec la corruption de son intention. Tant que tu es en vie, le diable ne va jamais te laisser tranquille. Comme cela est venu dans le hadith rapporté par l'imam Ahmed dans son Mousnad. D'après Abu Saïd al-Khudri, qu'Allah l'agrée, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Iblis a dit, Seigneur, je jure par ta puissance, je ne cesserai pas d'égarer tes serviteurs tant que leurs âmes seront dans leur corps. Allah a dit alors, je jure par ma puissance et ma grandeur, je ne cesserai de leur pardonner tant qu'ils me demandent pardon. Et le hadith a été authentifié par Cheikh Al-Albani rahmahullah. C'est pour cela que le pieux prédécesseur ne se sentait jamais à l'abri. Il combattait les ruses du diable jusqu'à leur dernier souffle. Il fut mentionné dans la biographie de l'imam Ahmad ibn Hanbal, rahimahullah, qu'Allah lui fasse miséricorde, que lorsqu'il fut sur son lit de mort, les gens autour de lui lui dirent de prononcer l'attestation de foi. Et il répondit « Laysa ba'd, laysa ba'd ! Pas encore, pas encore !» Les gens autour de lui furent apeurés et se demandèrent « Pourquoi refuse-t-il de prononcer l'attestation de foi ?» Puis lorsqu'il reprit connaissance, on lui demanda la cause de son refus. Et il dit « Le diable m'est apparu. » Il mordait son doigt et disait « Futtani ibn Hanbal !»« Futtani ibn Hanbal !»« Tu m'as échappé, ibn Hanbal !»« Tu m'as échappé, ibn Hanbal !» Et j'ai répondu à cela « Laysa ba'd, laysa ba'd !» Et j'ai répondu à cela « Pas encore, pas encore !» Ceci, ikhwani fillah, est le comportement de nos pieux prédécesseurs. Ils étaient dans un combat permanent contre tout ce qui pouvait entacher leur sincérité. Et ils étaient dans un combat permanent contre les ruses du diable. Par conséquent, ne pense jamais avoir atteint la sincérité. Ne te dis jamais, moi, alhamdoulillah, je suis sincère. Et si tu viendrais à penser cela, alors sache qu'il y a un problème. C'est pour cela que certains pieux prédécesseurs disaient, si tu vois que tu es sincère, alors ta sincérité a besoin de sincérité. Ainsi, l'Ikhlas fait partie des plus grandes œuvres aidant à raffermir la foi du serviteur. Et la sincérité a de nombreux profits. Parmi eux, le fait que celui qui est sincère va trouver les œuvres faciles. Les œuvres lui seront facilitées. Il ressentira un apaisement et prendra goût à accomplir des œuvres pieuses. Au contraire de l'hypocrite, Allah subhanahu wa ta'ala dit à leur sujet وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. Lorsqu'ils se lèvent pour la prière, c'est avec paresse et ostentation, et ils n'évoquent Allah que très peu. Également parmi les œuvres, aidant à raffermir sa foi, il y a le fait de fréquenter les gens pieux. Car les pieux sont ceux qui vont te tirer vers le haut et sont ceux qui vont te rappeler Allah subhanahu wa ta'ala. Le bon compagnon te rappelle Allah même lorsqu'il est absent. L'imam Ibn Rajab, alayhi rahmatullah, a dit que certains salafs disaient que les pieux te rappellent Allah même lorsqu'ils sont absents. Et quelqu'un pourrait se demander, subhanallah, comment peuvent-ils te rappeler Allah alors qu'ils sont absents? Et pour répondre à cette question, nous allons donner un exemple. Car comme il fut dit, bil mithali yattadihul maqal. Avec l'exemple, ce qu'on dit devient plus clair. Imaginons que tu visites un frère et que son fils te fasse entrer en attendant que son père revienne. Et lorsque tu te trouves dans sa chambre, tu remarques qu'il y a un Coran ouvert avec certaines indications montrant que ce frère lisait le Coran avant ton arrivée. Également dans la chambre, tu remarques qu'il y a un tapis qui est mis d'une manière indiquant que le frère était en train de prier avant ton arrivée. Malgré qu'il n'était pas présent, ces deux situations furent pour toi un rappel. Et ceci peut être même la cause qui va te pousser à revenir à la lecture du Coran et à faire plus d'efforts dans les prières surérogatoires. Le frère n'était pas présent, mais malgré cela, il t'a rappelé Allah subhanahu wa ta'ala. Également parmi les œuvres, aidant à raffermir sa foi, on retrouve l'ilm, la science. Car le diable égare les gens par deux voies. La première est la voie des désirs interdits. Et la deuxième est celle des ambiguïtés. Et seul celui qui est doté d'une science peut repousser les ambiguïtés. Allah subhanahu wa ta'ala dit à propos du prophète Ibrahim, Ishaq et Yaqub, alayhimu salam, واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي والأبصار. Mentionne Ibrahim, Ishaq et Yaqub, nos serviteurs doués d'ardeur et de clairvoyance. Certains savants du tafsir ont dit qu'ils étaient déterminés dans l'accomplissement des obéissances et clairvoyants lors de l'apparition des ambiguïtés. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous incite à tirer des leçons des histoires des peuples qui nous ont précédés, car il y a dans leurs histoires de nombreux enseignements. Et celui qui médite sur la situation de nos pieux prédécesseurs verra qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a beaucoup raffermis dans leur foi et dans leur religion. Et l'une des causes à cela est qu'ils donnaient une importance particulière à l'étude de la science religieuse et sa mise en pratique. Ibn Hajar al-Asqalani mentionne dans son livre intitulé « At-Taqrib wa At-Tahdhib » d'après son camarade Ahmad ibn Salama, rahmahullah, qu'une assise de révision de hadith fut organisée pour l'imam Muslim, rahmahullah. À l'époque, lorsque quelqu'un était célèbre dans la science du hadith, on organisait une assise où les gens testaient ses connaissances. Lors de cette assise, on lui citait la chaîne de transmission d'un hadith et il devait mentionner le hadith en question. Ou alors, on allait lui citer le nom d'un hadith et il devait citer la chaîne de transmission du hadith. Et lors de cette assise, on le testa sur un hadith qu'il ignorait, alors que c'était l'un des plus grands imams de son époque. Il rentra chez lui très déçu. Comme cela était l'habitude des grands savants du hadith. Lorsqu'on les interrogeait sur un hadith et qu'ils n'arrivaient pas à répondre, ils étaient déçus. Par conséquent, il rentra chez lui et décida de passer la nuit entière à chercher ce hadith. Subhanallah. Aujourd'hui, certains passent leur nuit sur les réseaux sociaux, TikTok, Instagram, et j'en passe. Tandis que d'autres passent leur nuit dans des futilités. Alors que l'imam Muslim, rahmahullah, passa sa nuit à chercher un seul hadith. Cette nuit-là, on lui offrit un panier de dattes. Il se mit à en manger. Et en même temps, il cherchait le hadith. Jusqu'à ce qu'il termine le panier de dattes et plus tard, il trouva le hadith. Donc, il mangea un panier de dattes entier en une seule nuit. Certains ont dit que cela fut la cause de sa mort, qu'Allah lui fasse miséricorde. Même à la fin de leur vie, les pieux prédécesseurs, rahimahumullah, étaient motivés dans la demande de science. On mentionna un enseignement bénéfique à l'imam Ibn Jarir al-Tabari, rahimahullah, alors qu'il était sur son lit de mort. Et regardez, subhanallah, malgré qu'il était mal en point, il demanda qu'on lui ramène de quoi écrire pour pouvoir noter cet enseignement bénéfique. C'est alors qu'il lui fut dit « Ô imam, même maintenant ?» Il répondit, rahmahullah, sa parole connue « Il ne convient pas que l'étudiant en science délaisse l'apprentissage de la science jusqu'à sa mort. » Certains ont mémorisé jusqu'à leur dernier souffle. Allahu Akbar. Ibn Malik, qu'Allah lui fasse miséricorde, l'un des grands savants de la grammaire, prêtait tellement une grande attention à la science qu'il mémorisa 7 vers de poésie le jour de sa mort, rahmahullah. Même lorsqu'il tombait malade, ils étudiaient. C'était impossible pour eux de délaisser la science, même pour cause de maladie. Ibn al-Qayyim, alayhi rahmatullah, a dit que Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, lui rapporta un jour qu'il tomba malade et que le médecin lui dit « Le fait que tu lises des livres aggrave ta maladie. » C'est-à-dire, en d'autres termes, il lui demanda de prendre des vacances et de délaisser la lecture. Et Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyyah, rahmahullah, lui répondit qu'il ne pouvait pas. Ils avaient tellement de grandes ambitions qu'ils n'hésitaient pas à passer de longues années dans l'écriture de livres. Ibn Jarir, rahmahullah, al-Tabari, dit un jour à ses étudiants, « N'êtes-vous pas motivés pour écrire un livre dans le tafsir ?» Ils répondirent, « Qu'est-ce qu'il va représenter ? » Donc, est-ce qu'il va être composé de 100 pages, 1000 pages ? Ibn Jarir répondit, « 30 000 pages. » Subhanallah. Donc il demande à ses élèves s'ils sont motivés pour écrire un livre de 30 000 pages. Les élèves s'exclamèrent et dirent, ceci est une chose pour laquelle nous passerons notre vie sans que cela soit suffisant. Et il écrit plus tard son livre connu dans le tafsir intitulé Tafsir Ibn Jarir, donc Tafsir al-Tabari, contenant 3000 pages qu'il écrivit en 7 années. Un jour, il dit encore à ses étudiants, n'êtes-vous pas motivés pour écrire un livre dans l'épopée de l'islam? De Adam alayhi salam jusqu'à maintenant? Les élèves répondirent, qu'est-ce que cela représente? Ibn Jarir répondit, 30 000 pages. Et les élèves de dire, ceci est une chose pour laquelle nous passerons notre vie, sans que cela soit suffisant. Et Ibn Jarir de dire sa parole qui est connue, Wallah al-Musta'an, l'ambition est morte. Et il écrivit alors un livre dans ce domaine contenant 3000 pages, rahmahullah. Tellement certains ont atteint un degré élevé dans la science, les gens se mirent à douter s'ils n'avaient pas bu ou mangé quelque chose de spécial. L'imam al-Bukhari, rahmahullah, fut un grand savant et il dépassa les gens de loin dans la science jusqu'à ce que certains pensaient qu'il avait bu ou mangé quelque chose pour arriver à ce niveau, car selon eux, il n'était pas possible d'arriver à ce niveau de science. Et donc l'information se propagea. Et un élève décida de lui poser la question directement. Et lorsqu'il fut questionné à ce sujet, il répondit, « Je ne connais rien de tout cela en dehors de la continuité et de la motivation. » Et avec tous ces efforts, nos pieux prédécesseurs ont obtenu une science profitable. Et Allah subhanahu wa ta'ala les a raffermis dans leur religion et dans leur foi. Cependant, ikhwani fillah, il faut que la science apprise soit profitable. Et la science profitable est celle qui est mise en pratique. Et les pieux prédécesseurs mettaient en garde les étudiants contre le fait de ne pas mettre en pratique ce qu'ils ont étudié. Il fut rapporté qu'Al-Hassan al-Basri, rahmahullah, qu'Allah l'agré, rencontra un jeune qui voyageait en quête de science et lui posa la question suivante. As-tu mis en pratique ce que tu as appris? Et le jeune lui répondit non. Il dit alors, pourquoi veux-tu augmenter les preuves d'Allah subhanahu wa ta'ala à ton égard? Subhanallah. Par conséquent, il faut la science et également la mise en pratique de la science. Également parmi les œuvres aidant à raffermir sa foi, il y a l'invocation. En effet, le musulman doit demander à Allah subhanahu wa ta'ala de le raffermir sur sa religion. Surtout lorsqu'on sait que c'était l'une des choses que le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait le plus à son Seigneur. L'imam al-Tirmidhi rapporte, d'après Anas ibn Malik, radiallahu an, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait fréquemment, ô toi qui fais tourner les cœurs, affermis mon cœur sur ta religion. Et le hadith est rapporté par l'imam al-Tirmidhi, rahmahullah, rahmatan wasi'a. Donc voici quelques œuvres aidant à raffermir sa foi. Il est certes difficile de mentionner toutes les œuvres en une seule conférence. Et on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous faciliter d'autres assises pour en mentionner d'autres. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde la réussite dans ce qu'il aime et agrée.